Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République. C'est parti, salut Alessandra. Salut Lynn. Comment tu vas? Ben écoute là, c'est hyper chic. En plus, c'est une première fois pour toi. Alors oui, raconte-nous où on enregistre aujourd'hui ce 31e épisode de Crépidule, puisque c'est toi qui as eu l'idée du lieu. Alors on est à Vevey, c'est-à-dire pas le lieu dit, la ville romande Vevey, mais sur un bateau qui porte son nom et qui vient de partir du quai du Mont-Blanc à Genève. Et on va en fait faire une petite croisière du dimanche. Oui, c'est génial. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ça. Ah, c'est top. Et là, vraiment, on vient de larguer les amarres pour un petit voyage sur les flots en compagnie de nos nouveaux micros. Car, oui. Ouais, vraiment, là, c'est le luxe intégral. Pour vos oreilles aussi. Pour les oreilles, parce qu'on les a un peu maltraités ces derniers temps. Non, l'épisode dernier, ça allait. Oui, mais c'est vrai qu'il y a deux épisodes, on s'est fait taper sur les doigts parce que... Ouais. Oui, bah alors Lynn, si tu commençais par nous raconter cette lecture que tu as faite en suédois avec Chimamanda Ngozi Adichie. Oui, alors c'était génial, vraiment une expérience puissante. Alors pour rappel, le 17 mars dernier, il y a l'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie qui est venue à Genève dans le cadre du festival du film et forum international des droits humains, aussi connu sous l'acronyme FIFDH. Et pour la venue de Chimamanda, le festival et la maison d'édition qui l'a publié en français ont organisé, comment appeler ça, une sorte de lecture-performance qui a été imaginée par la metteuse en scène Nalini Menamket. Et cette lecture a eu lieu à la salle communale de Plein Palais, qui pour celles et ceux qui ne sont pas de Genève, est un très beau bâtiment du début du XXe siècle, avec une immense salle de réception où a lieu différents événements tout au long de l'année. Et où Alessandra? Où je n'ai pas pu venir. Tu n'as pas pu venir, mais où a en fait lieu aussi les cérémonies de naturalisation. Donc c'est dans cette même salle que je suis devenue suisse, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Enfin, mais revenons donc à cette lecture. Donc pour la lecture, une quinzaine de femmes, dont moi, étaient sur scène avec Chimamanda et chacune lisait un extrait du livre « Cher Ijawele » ou un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda, avec la particularité que chacune des femmes lisait dans sa langue maternelle. Donc la salle était pleine, environ 400 personnes, alors c'était aussi un bon entraînement de prise de parole en public. Dis donc. Et voilà, j'étais quand même bien flippée, mais il y a ce truc que en fait, le stress ressenti à l'intérieur, quand on est sur scène, n'est pas forcément visible par le public à l'extérieur. Donc, mais c'était vraiment une expérience chouette. Et il y a une connexion, je trouve, très particulière entre les différentes femmes qui ont... participer à la lecture, on passe à côté du jet d'eau. Presque sous le jet d'eau. C'est magnifique. Mais donc, ouais, vraiment une connexion particulière aussi entre les différentes femmes qui ont participé à cette lecture avec Chimamanda Ngozi Adichie. Une complicité comme ça, c'était très fort. Et donc, cette lecture-performance, elle a duré peut-être 1h40. Et après, nous, les lectrices, sommes retournées nous asseoir dans le public. Et Chimamanda Ngozi Adichie est restée sur scène pour une discussion, interview avec un journaliste de France Culture, dont je ne me rappelle pas le nom maintenant. J'ai de la peine en fait de base à retenir les noms et les voix des personnalités de la radio francophone. Je mets ça sur le compte de mes origines suédoises. Mais enfin bref, quand même en voyant ce mec arriver... je me suis dit, bizarre quand même qu'ils aient choisi un vieux, bon, tout étant relatif, hein, mais un plutôt vieux monsieur blanc pour mener l'interview. Et puis pas genevois, parce que... Et puis il n'était pas non plus genevois. Mais bon, voilà, c'est un festival, tu vois, il y a un côté très international. Donc ça, je trouvais moins frappant parce qu'il y a vraiment des personnalités de partout. Mais c'était plus que... Tu vois, juste après une lecture comme ça, publique, d'un texte résolument féministe, écrit par une auteure à une amie concernant l'éducation féministe de sa fille, et lu devant le public par une quinzaine de femmes, je sais pas, tout d'un coup, ça faisait bizarre de voir cet homme monter et s'installer dans un fauteuil face à Chimamanda. tu vois, un peu comme si de rien n'était, tu vois. Bah, je sais pas, ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment, vu le choix du texte lu, que la discussion serait orientée autour de l'engagement de Chimamanda et comment son féminisme s'articule avec son écriture. Et que pour ce faire, le festival choisirait une modératrice avec une expertise dans les questions afroféministes, par exemple. Bon, peut-être que je me suis laissée un peu des espoirs utopiques, mais quand même, franchement, pas complètement idéaliste, parce que, soit dit en passant, Chimamanda, par exemple, écrit un texte intitulé « We should all be feminists », qui, je pense, avec son roman « Americana », est ce qui l'a rendu célèbre. Donc, je veux dire, son engagement féministe marque vraiment son œuvre. Voilà, et enfin bref. Mais l'entretien a commencé, et le journaliste, il a vraiment que parlé de littérature avec Chimamanda. Littérature et langue, puisque elle parle Igbo, qui est une langue nigériane, et aussi l'anglais, mais en fait elle écrit surtout en anglais. Et il était très très intéressé par les différences entre littérature anglo-saxonne et littérature française. Mais je veux dire, ok, mais tout ça c'était vraiment sans jamais aborder le sujet du féminisme. D'accord. Et c'était tellement absent de ces questions que ça devenait évident. Parce que je veux dire, même quand Chimamanda tendait un peu des perches dans ses réponses concernant son engagement féministe, et encore plus son engagement féministe en tant que femme noire et nigériane, le journaliste faisait un peu comme si de rien. Il refusait de mordre. Et assez rapidement, il y a eu des soupirs d'impatience dans le public. Je tiens à dire que la place était vendue 40 francs. Mm-hmm. Avec des soupirs d'impatience dans le public, avec des femmes qui ont voulu faire comprendre qu'elles n'étaient pas satisfaites de la direction prise par le débat. Et bon, au début, le journaliste a un peu fait comme si de rien n'était. Puis, au bout d'un moment, il a quand même été obligé de réagir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est tourné comme ça vers le public. Il a dit quelque chose du style « Oui, mais bon, on a beaucoup de temps pour tout aborder. » Et ce qui, évidemment, n'est jamais le cas dans ce type d'entretien. Il n'y a, on sait qu'il n'y aura pas le temps de tout aborder. Et je veux dire, il n'y a jamais assez de temps dans ce type de débat pour tout aborder. Et d'où aussi l'impatience bruyante du public. C'est intéressant cette réaction, dis donc, comme ça, sur le grill. C'est pas commun que les gens manifestent comme ça aussi. Oui, ouais. Mm-hmm. Ouais, non, ça, j'ai trouvé justement très intéressant. Mais juste pour souligner le fait qu'il n'y avait pas assez de temps, c'était que, surtout à la fin de l'entretien, au moment où le micro est passé dans le public, il y avait beaucoup de femmes noires qui ont voulu remercier Chimamanda et témoigner aussi de la force de son œuvre et comment son œuvre les inspirait au quotidien. Et aussi pour poser des questions... très intéressante, demander son avis d'écrivaine, mais aussi de femme noire engagée sur différents sujets. Mais voilà, il n'y avait pas assez de temps. Ce qui a encore plus fait passer le journaliste pour un strudel, parce qu'il avait annoncé qu'il y avait tellement de temps pour tout aborder. Mais voilà, donc je pense que le choix du modérateur était très maladroit. C'était dommage, parce que Ça aurait été, je pense, vraiment important d'entendre Chimamanda Ngozi Adichie parler de son métier d'écrivaine, mais pas dans une perspective poussiéreuse d'intellectuel à la France Culture. Désolée, Alessandra, si je grille maintenant nos futurs radiophoniques à tout jamais. mais voilà, plutôt avec une perspective engagée, revendiquée féministe, et surtout avec... une modératrice ou modérateur, peut-être, qui ait un savoir sur ces questions-là. Et voilà, comme tu dis, je trouvais, enfin, comme tu as dit avant, moi, j'ai trouvé que c'était très fort de voir le public réagir, parce que ça montre aussi qu'il y a un soif de parler de ces sujets-là, de parler du féminisme et d'entendre des personnes expertes. D'avoir des outils pour nourrir une réflexion et pour se mobiliser au quotidien. Et que ça ne passe pas, en fait, d'ignorer ces questions, de faire comme si on pouvait aborder une œuvre telle que celle de Chimamanda sans parler de son engagement. Mais voilà, aussi, d'un autre côté, si je voulais tirer un peu quelque chose de positif comme ça du choix du modérateur, c'était que je trouvais très fort d'entendre Chimamanda parler de son métier d'écrivaine. Parce que finalement, vu qu'il a posé tellement de questions sur la littérature, bah, elle a pu aussi montrer son expertise à elle dans ces champs-là, enfin dans ce champ-là. Oui, puis ça, c'est aussi une démarche dans laquelle on se reconnaît, où quand on a rencontré des personnalités du cinéma ou comme ça, ou des experts sur différentes questions, on avait aussi envie de leur parler de leur expertise et pas de les cantonner à une posture en tant que femme. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, je veux dire, elle est d'abord écrivaine. Pas que son métier, sa démarche peut être déconnectée de son engagement, mais je trouve vraiment important de voir des femmes parler de leur métier sans qu'on doive forcément partir de leur posture en tant que, dans le cas de Chimamanda, en tant que femme noire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'est aussi ce dilemme, en fait, décrit par Joanne W. Scott, qu'on est en fait obligé de faire appel à la différence qu'on tente d'éliminer. Mais parce qu'il y a cette discussion de dire, bon, mais il n'y a pas besoin, enfin, ne pas partir de l'identité de la personne pour parler de son métier, mais quelque part, enfin, c'est aussi une revendication féministe de dire que ta posture sociale... Elle est située, dans un contexte, en fait, bien particulier. Oui, c'est un vrai dilemme, comme tu dis. Ben moi, avant qu'on déroule l'autre sujet qui nous attend, j'avais envie de partager avec toi une nouvelle qui a vraiment enchanté mes neurones, surtout en tant que maman, parce que c'est peut-être des questions qui me concernent un peu moins, mais la nouvelle génération est là, avec plein de questions à se poser dans le domaine de la contraception. Youhou ! Alors, je viens d'apprendre cette semaine que peut-être... il n'y aura plus d'hormones, plus de trucs à avaler, à se faire injecter, à se faire implanter, à vérifier chaque jour et plus d'effets secondaires. Alors, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais c'est un traitement qui est testé en ce moment et qui a été élaboré par une équipe, on va voir si ça te sonne, de Kungliga Tekniska... Donc le KTH Royal Institute of Technology de Stockholm. Côté roi. Et donc, cette équipe, elle travaille sur les biopolymères. C'est des matériaux qui sont produits par le vivant. Et là, elle est en train de tester un traitement local sous forme de gel qui consiste à resserrer la muqueuse du col de l'utérus afin d'empêcher le passage des spermatozoïdes. Ce serait un gel qui serait administré sous forme de capsule avec un effet dans les quelques minutes. Donc, une action locale et puis ciblée dans le temps. Et ce nouveau contraceptif, il agit donc au niveau moléculaire, plus du tout hormonal et tout ce qu'on connaît, en créant une liaison entre le mucus utérin et une substance qui s'appelle la chitosane. Ça s'écrit C-H-I-T-O-S-A-N-E, chitosane, mais j'ai vérifié, ça vient de chitosane. C'est un terme qui vient du grec chiton, ce qui veut dire la tunique. Et en fait, ça s'appelle comme ça parce que ça constitue la coquille protectrice des arthropodes. Arthropodes, je ne sais pas ce que c'est. Ben moi, j'ai vérifié. Et en fait, c'est le 80% des espèces connues. C'est les insectes, les crustacés et pas les gastéropodes comme les crépidules qui, eux, n'ont pas de pieds. Parce que donc, arthropodes, c'est s'égare à leurs pieds. Bon, bref, je m'égare. Et donc, cette chitosane ou cette chitine, qui est un composant des exosquelettes à ces arthropodes, mais qu'on trouve aussi dans certains champignons et lichens. Puis aussi, voilà, mettre un peu de perspective, parce qu'une fois plus, ce n'est pas une découverte humaine récente, puisque cette substance, elle est déjà isolée à partir de champignons en 1811, par un chimiste français, Henri Braconnot. Et en 1859, un autre chimiste obtient cette fameuse chitosane qui est plus soluble. Alors c'est ça, voilà, pour remettre en perspective ce qu'on adore qualifier de découverte et puis qui est bien plus souvent une nouvelle étape dans un très long processus ou bien une réactualisation de savoir ancien. Et voilà, ces recherches s'inscrivent dans cette tendance du biomimétisme, tu sais, qui consiste à observer, à s'inspirer, à imiter la nature dans des domaines d'innovation et de développement de nouvelles technologies. Ça non plus, c'est pas inédit, mais peut-être ce qui est plus inédit, c'est de repenser la contraception d'un autre point de vue. Là aussi, il y aurait absolument une histoire de construction de savoir à établir. Mais voilà, c'est quand même intéressant de relever aussi qu'en ce moment, la pilule, elle n'a plus trop la cote, les traitements hormonaux non plus. Et que, voilà, comme par hasard, il y a aussi une autre réflexion avec ces moyens qui sont mis à disposition pour repenser la contraception féminine. Puis peut-être aussi, tout bonnement, c'est du hasard, parce que ce procédé avec cette chitosane testée par cette équipe suédoise, c'est également destiné au traitement de l'inflammation du système digestif, parce que dans les deux cas, il s'agit de muqueuses. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est une recherche sur, enfin sur un, dans un domaine finalement différent qui mène voilà, à un autre. J'ai pas pu savoir dans quel champ ça avait d'abord été expérimenté. Donc c'était d'abord dans des études sur le système digestif, puis ils se sont dit, ah bah tiens, en fait, ou l'inverse. Mais c'est une manière aussi de repenser le corps avec cette attention sur la membrane, et puis de la considérer, la membrane des muqueuses, pardon, en les considérant comme un matériau indépendant du corps qui peut être manipulé, modifié. Et puis bah, du coup, ils se sont penchés sur les fonctions de cette membrane muqueuse, et y compris justement sur cette fonction de barrière qui peut empêcher les bactéries, les virus, tout en laissant entrer l'oxygène ou les nutriments pour le système digestif. Et donc ce gel, il permet de resserrer la barrière qui tapisse le tissu de nos muqueuses. Et au niveau de l'utérus, le col utérin, la plupart du temps, est super imperméable, justement pour qu'il n'y ait pas de chenilles qui rentrent. Et ben, ça se relâche au moment de l'ovulation pour faciliter le passage des spermatozoïdes en vue d'une fécondation. Et ce gel polymère, il permettrait donc d'empêcher ce relâchement et d'avoir cet effet contraceptif. Et voilà, donc c'est, d'après ces scientifiques, ce contraceptif, il est à 100% biosourcé, donc entièrement fabriqué ou complètement ou en partie à partir de matières d'origine biologique, donc sans effet indésirable, puisqu'il agit juste sur la couche superficielle de la muqueuse. Et là, il y a aussi d'autres applications, parce que les auteurs... précise qu'il y a toutes sortes d'applications possibles, telles qu'aussi les problèmes de lubrification ou d'hydratation de la muqueuse qui pourraient être améliorés dans les problèmes de problèmes de sécheresse vaginale et tout. Ce gel pourrait aussi être utile. Et voilà, donc moi je commence à me détendre parce que je trouve que c'est encore un chapitre très très compliqué. On en a parlé un peu aussi dans ce podcast de quels moyens alternatifs on pouvait mettre sur pied. Et voilà, bientôt peut-être juste une petite capsule. Et bon, ça n'empêchera pas le problème des infections sexuellement transmissibles. Mais bon, qui sait, peut-être que cette fameuse tunique de protection, elle pourra peut-être un jour agir aussi à ce niveau-là. Yay, merci pour ces news. Ouais, du front. Du front tout à fait récente, ça vient de sortir. Alessandra, j'ai été au cinéma il y a quelques semaines voir Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Tu l'as vu aussi ? Ben moi, ouais, je suis allée dans mon salon il y a quelques semaines. Okay. Je l'ai vu de manière un petit peu illicite, okay, chez moi. On passe aux aveux. Donc, Three Billboards est un film réalisé par Martin McDonagh, qui est connu pour avoir réalisé le film Bon baiser de Bruges, ou en anglais In Bruges, et Three Billboards, ou Les panneaux de la vengeance, comme il a si joliment été traduit en français, ouais. Et sorti en 2017, et le film se déroule dans la petite ville d'Ebbing au Missouri. On suit Mildred Hayes qui, 7 mois après le viol et le meurtre de sa fille, décide de prendre les choses en main et de confronter la police locale qui n'a obtenu aucun résultat sur l'enquête. Elle loue alors 3 grands panneaux publicitaires situés au bord d'une route de campagne et y fait inscrire des violentes accroches au sujet de l'enquête du meurtre de sa fille pour interpeller le shérif du coin et son équipe. Et voilà qu'il y a toute une histoire qui se met en place à partir de ça. Et le personnage principal, donc Mildred Hayes, est joué par la géniale Frances McDormand. Et elle fait face notamment à l'acteur Woody Harrelson qui joue le shérif. Donc c'est vraiment un film super. Moi, plusieurs amis m'avaient dit qu'il fallait absolument que j'aille le voir, qu'il était génial et vraiment, ils n'avaient pas tort. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film qui m'a autant surpris, sans entrer dans des clichés ou des exagérations crasses. Et c'est aussi chouette parce qu'il y a vraiment ce truc, bah voilà, tu peux regarder la bande-annonce et essayer de te faire une idée du film, mais une fois au cinéma, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends que tu vas voir. Toi, t'en as pensé quoi ? Ah, moi, j'adore ces films. Il y a, c'est un mélange de... Il est assez sombre. C'est d'ailleurs un peu le premier film comme ça d'adulte qu'on a regardé avec mon fils qui a bientôt 14 ans. Et puis, pendant le film, il me regardait et puis était là. Maman, la prochaine fois, il faudra mieux choisir des films parce qu'il était un peu, qu'est-ce que je vais dire, ouais, impressionné par la dureté de cette histoire. Puis en fait, il y a de l'ironie qui frôle, il y a de l'humour et il y a de la tendresse en fait un peu... tout de même qui arrive. Et le lendemain matin, il s'est réveillé puis il était là, j'ai trop adoré. Donc il a eu besoin un peu de le digérer, mais voilà, donc c'était aussi une chouette découverte, ouais, familiale. C'est cool. Bon, alors oui, moi aussi je l'ai pas vu seul en fait, le film. Et donc pourquoi je voulais te parler de ce Three Billboards, c'est que après la séance, donc la personne avec qui je suis allée voir le film m'a dit que oui, c'était un film génial, mais que quand même, Mildred Hayes, donc le personnage joué par Frances McDormand, était vraiment chiante. Mm-hmm. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé à réfléchir autour de cette notion de chiante, et plus particulièrement de femmes perçues comme chiantes dans la culture et dans les médias, que ce soit des personnages de fiction ou des personnes réelles. Et donc, pourquoi est-ce que Mildred Hayes peut être perçue comme chiante dans Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. Voilà, j'ai réfléchi à ça et quelques suggestions. Donc, je pense déjà parce qu'elle ne sourit jamais. Et ça suit un peu avec ça. Elle est toujours énervée ou toujours vue comme énervée. Aussi, elle n'a pas d'écoute pour les autres. Elle est fixée, comme obnubilée par son objectif, donc faire avancer l'enquête sur le meurtre de sa fille. Et elle ne s'arrête pas pour écouter ceux autour d'elle qui essayent de lui faire entendre raison ou de la calmer. Donc, pas d'écoute. Aussi, elle ne montre pas ou peu d'empathie. Et elle ne cherche pas la sympathie des autres. Elle ne cherche pas l'amour des autres. Elle n'est pas du tout dans un jeu de séduction envers son entourage. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs aggravantes, comme le fait que Frances McDormand, qui joue Mildred Hayes, est en mesure hollywoodienne, plutôt âgée, donc elle a 60 ans, qu'elle n'est pas non plus... Enfin, le personnage n'est pas affublé pour plaire à un male gaze hétéro. Et ça, c'est super, je trouve, vraiment, parce qu'elle porte cet overall bleu d'ouvrier. Vraiment presque pendant tout le long du film elle a ce même habit avec un bandana dans les cheveux et vraiment je trouve que c'est comme un habit de guerre, tu vois, c'est comme une sorte de statement quand même elle est comme ça on a mission. Mm-hmm. Et elle se vêtit de ce qui est le plus pratique et le plus confortable pour l'accomplir et rien à cirer si ça plaît aux autres ou pas. Mais je pense voilà, que tous ces aspects sont principalement interprétés comme des facteurs d'une personnalité chiante quand il s'agit d'un personnage féminin. Quand c'est une femme qui ne sourit jamais, qui est toujours énervée, qui ne prend pas sur son temps pour écouter les autres, qui est obnubilée par son objectif, qui ne montre pas ou peu d'empathie, bah alors c'est une femme qui risque d'être perçue comme chiante. Parce que j'ai quand même l'impression, si on réfléchit, que chez un personnage masculin, ces mêmes comportements seront lus de manière tout à fait différente et interprétés comme, par exemple, de la détermination, comme quelqu'un qui sait où il veut aller. Bon, peut-être quelqu'un d'un peu ténébreux, un peu hardi par la vie, et voilà pourquoi il ne sourit pas. Quelqu'un d'expérimenté, tu vois, qui a vécu, quelqu'un de fort, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus, qui n'est pas d'indépendant, qui n'est pas dans la séduction. Et voilà, c'est un homme non pas obnubilé par son objectif, non pas perdu dans sa quête, mais c'est un homme avec un but, avec un objectif. Et tu vois, là aussi, on peut lire son habit bleu, qui est plutôt un habit masculin, comme aussi justement une manière d'illustrer qu'elle transgresse les codes du féminin. Ouais, tout à fait. Et justement, c'est vraiment... c'est vraiment une question qui est liée aux normes genrées, aux idéaux sexués, hétérosexistes finalement. Et voilà, comme tu, quand un personnage féminin transgresse les normes, ces normes, donc de la femme souriante, docile, belle, plaisante, agréable, qui montre de l'empathie, qui est attentive à son entourage, elle est estampillée chiante. Et c'est marrant parce que j'ai vu ce film, j'ai eu cette discussion avec mon amie, j'ai commencé à réfléchir au sujet, à préparer cet épisode du pod, et je me suis demandé, bon, quel auteur aurait pu écrire quelque chose à ce sujet ? Et j'ai évidemment pensé à Roxane Gay et à son livre Bad Feminist, qui est donc une collection d'essais d'analyse culturelle avec une perspective féministe et dont on a déjà parlé dans notre podcast lors d'épisodes précédents. Et donc, je feuillette Bad Feminist et effectivement, il y a un chapitre qui discute justement de cette question. Donc Roxane Gay avait plus ou moins écrit le script de cet épisode il y a 4 ans. D'ailleurs, elle m'a embêtée parce que j'avais réfléchi à des trucs, je trouvais vraiment, c'était des super bonnes réflexions. Je la lis, j'étais, oh merde, elle y avait déjà pensé bien avant. C'est clair. Bon, Roxane Gay, elle n'utilise pas le terme de chiante. Déjà parce que son livre il est en anglais, mais donc elle utilise plutôt ceux de likable et de unlikable, qui pourraient être traduits en français par likable par sympathique, aimable oui. ou encore agréable, et unlikable on pourrait essayer de la traduire par antipathique ou quelqu'un qui est perçu comme n'ayant pas ce qu'il faut pour être aimable ou apprécié. Ouais, qu'on peut aimer ou qu'on peut pas aimer, il y a une. Mm-hmm. Et dans ce chapitre de Roxane Gay qui s'appelle Not Here to Make Friends, l'auteur réfléchit à ce qui rend une personne réelle ou personnage de fiction likable ou au contraire unlikable. Et elle suit comme ça la démarche générale de son livre et part d'une expérience personnelle pour préparer ses lecteurs et lectrices au sujet. Et puis elle nous amène dans une analyse culturelle en passant par le cinéma, la télévision, la littérature, des domaines dans lesquels elle puise des exemples pour illustrer ses propos. Et elle montre, comme j'ai dit avant, que cette question du likability est une question de normes, de correspondre ou non à des normes, de rentrer dans un cadre, d'être conforme aux attentes sociétales, aux attentes des spectateurs et spectatrices, des lecteurs, des lectrices. Et ces attentes varient selon que le personnage est un homme ou une femme, selon son identité, expression de genre, selon son âge, selon si c'est un personnage racisé ou non, selon la classe, etc. Et d'être perçu comme likable nécessite une certaine performance. Et les personnages ou personnes réelles qui ne se plient pas à ce code de conduite, qui ne correspondent pas aux normes, seront souvent catégorisés comme unlikable ou antipathiques. Et là, je pense qu'il est vraiment important de préciser qu'il n'existe pas un code de conduite qui serait comme ça adapté à tout le monde. Mais comme je l'ai dit, le cadre auquel il faut correspondre pour être likable varie fortement selon le contexte et selon la situation et l'identité sociale de la personne. Et justement, concernant ce fait que la ligne de démarcation entre likable et unlikable n'est pas la même pour tous et toutes, j'ai écouté le 13e épisode du podcast français Piment. Et dans cet épisode, ils discutent justement de l'enjeu d'avoir des personnages féminins, noirs, antipathiques dans les séries et au cinéma. Bon, dans cet épisode, il est surtout question de séries. Ils abordent ce sujet à l'occasion d'un épisode crossover de la série Scandal et de la série How to Get Away with Murder. Donc ce sont deux séries américaines qui tournent autour de deux avocates et qui ont pour personnages principaux deux femmes noires. Scandale, Olivia Pope, jouée par Kerry Washington, je crois, est gestionnaire de crise à la Maison Blanche. Et dans How to Get Away with Murder, on suit Annalise Keating, qui est jouée par Viola Davis et qui est professeure de droit. Oui, je l'ai vue celle-là. Et si le personnage d'Olivia Pope dans Scandale est ce qu'on peut appeler, enfin ce qu'on peut qualifier, enfin de likable de par sa beauté, son apparence, son comportement, sa manière d'être et d'interagir, le personnage de Viola Davis est beaucoup plus sombre. Elle est veuve, elle est alcoolique, mais son personnage est aussi beaucoup plus fort parce qu'elle est montrée justement dans ses imperfections et dans ses transgressions, je dirais, des normes. Et c'est ça en fait, c'est que des personnages likable sont finalement souvent très lisses, justement parce que conformes à des normes très très larges comme ça dans la société. Qui sont créés selon des idéaux, alors que les personnages montrés, des personnages montrés avec leur entre guillemets imperfection, donc qui ne correspondent pas ou peu aux normes, ne sont pas des reflets d'idéaux, mais sont au contraire montrés dans leur humanité. Donc ce sont finalement des personnages plus complexes et plus honnêtes. Et dans cet épisode du podcast Piment, les animatrices et le animateur montrent qu'il y a un véritable enjeu autour des représentations de femmes noires qui sortent des schémas que l'on voit traditionnellement dans les séries. Parce que voilà, il y a une longue histoire de représentations extrêmement stéréotypées de femmes noires. Et il y a vraiment une demande et un besoin de personnages qui explosent les normes. Et Roxane Gay, elle explique aussi ça, que des personnages unlikable sont des personnages qui ne correspondent pas à un idéal, qui n'évoluent pas uniquement au sein d'un cadre très strict pour plaire, mais qui transgressent celui-ci. Et elle dit qu'elle préfère ces personnages-là, antipathiques, unlikable, que ce soit dans ses lectures ou dans son travail d'écriture, parce que justement, ils sont plus complexes, plus honnêtes et finalement avec, si on peut dire, avec plus de possibilités et avec plus de vie. Et je pense, et Roxane Gay le dit aussi, que les personnages féminins entre guillemets, ne font qu'à leur tête, qui ne sont pas là pour se faire des amis, justement comme le personnage de Mildred Hayes dans Three Billboards, par exemple, sont très rapidement estampillées comme chiantes ou unlikable parce qu'elles sont vues comme hors normes et pas comme plus humaines, tu vois. C'est qu'elles correspondent pas aux attentes. Et je veux dire, quelque part, c'est flippant parce que c'est comme s'il n'y a pas de coexistence possible entre être un individu et être une femme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est correspondre aux normes féminines ou n'en faire qu'à sa tête, c'est pas compatible. Oui, puis c'est dangereux, parce que justement, tu sors de l'acceptation, tu sors des rangs, et d'ailleurs, je trouve que c'est très fort, c'est un peu les deux facettes, être qualifié de chiante ou de folle. C'est toujours un peu à la limite. D'ailleurs, si on reste dans cet exemple de Three Billboards, c'est aussi un peu ça qui lui est renvoyé. Ben voilà, est-ce qu'elle a vraiment toute sa raison? Oui. Donc ça, c'est un peu, je trouve, ces deux menaces assez fortes pour les femmes, d'être qualifiées de chiantes au minima ou de folles. Oui, c'est ça. Et justement, c'est ça que je veux dire, c'est que ce terme de chiante, elle est vraiment, c'est associé à des stéréotypes féminins qui sont très ancrés dans la société. Et quand on dit chiant, bah, ce n'est pas la traduction masculine du mot chiante, en fait, dans le sens. Bah, tu vois, j'ai tapé... Bon, c'est toujours compliqué de faire des réflexions à partir de ça quand on fait des recherches sur Internet, parce qu'il y a toutes ces histoires d'algorithmes, qu'est-ce que je cherche en général, donc quelles sont les occurrences qui me sont plus montrées. Mais quand j'ai tapé « homme chiant », la première occurrence, la première proposition sous thème, c'était en fait un site masculiniste qui disait que ben, les nanas pouvaient être tellement pénibles que ça rendait à la fin un homme chiant. Tu vois, ils étaient chiants comme victime. Oui, ouais. Mais dans la même veine, enfin c'est pas dans la même veine, mais il y a ce stéréotype de la maman chiante. Tu sais, celle qui est toujours sur le dos de tout le monde dans la famille, dans la famille hétéro. Et alors qu'en fait, une maman, bah, c'est une chargée de projet, tu vois, qui travaille constamment à ce que tout roule, à ce que tout fonctionne. Donc, à la fois avec un travail émotionnel et des tâches domestiques, un travail aussi professionnel, sûrement. Enfin, mais en fait, ce travail émotionnel plus tâches domestiques, c'est pas reconnu comme du travail, c'est vu comme un trait de personnalité, quelque part. Enfin, c'est... Et tu vois, on traduisait par chiante, tu vois. Une surresponsabilité qui est traduite en trait de caractère et en l'occurrence négatif, quoi. Ouais. Ouais. Puis ça, il peut aussi avoir, je sais pas, bon, je parle vraiment d'expérience personnelle, mais tu sais, quand tu es invité chez des gens, puis il y a une hôtesse, tu vois, quelqu'un qui t'accueille, enfin bref, chez elle, et puis qui peut devenir un peu trop. Est-ce que tout va bien? Est-ce que la musique va? Est-ce que... Puis et ça, c'est chiant. Elle devient chiante. Mais finalement, c'est qu'elle s'occupe que tout le monde aille bien, tu vois. Oui, bah puis ça rejoint ce truc de, aussi, cette peur de ne pas être appréciée, que ça ne se passe pas bien, que les gens soient déçus, ne passent pas une bonne soirée. C'est de nouveau toute cette attention au care. Oui. Se préoccuper d'autrui. Et peut-être aussi de soi, dans le sens, voilà, il faut qu'ils repartent de cette soirée en disant que c'était vraiment bien, qu'ils ont eu du plaisir. Oui, mais à la limite, là, tu vois, tu as trop d'empathie. Mm-hmm. Donc, trop d'empathie ou pas assez d'empathie, c'est niette. Tu seras estampillée chiante, ouais, ou folle, ou tu vois, peut-être il faudra te diagnostiquer comme n'étant pas assez, tu vois. Ouais. Comme ayant des problèmes de communication. Et ça, justement, je sais pas, on est en train d'arriver. Alors, je sais pas si on fait peut-être une mini pause et puis on fait la conclusion sur le quai. Ok, on va savourer nos derniers. Ok. Quoi? Ok. Ok. Non, mais on va le faire. Ah, ok. Tu m'as eu. Petite pause et on revient. Alors nous voilà en sécurité sur le quai pour continuer. On n'a pas coulé. Non. Oui, ben moi je ce que j'ai pensé très fort pour ce sujet et que j'ai retrouvé en écho justement chez Roxane Gay, mais je suis partie, moi c'est vrai que je regarde pas mal de séries et je regarde beaucoup de séries notamment parce que justement j'y trouve des figurations, notamment en termes de genre, donc de personnages féminins qui sortent des sentiers battus, et avec, j'ai pensé à pas mal d'héroïnes de séries que je regarde qui ont cette attitude dont on a parlé avant, qui peut être cataloguée de chiante, qui cherche en tout cas pas à se faire aimer, qui est pas là pour se faire des amis, comme tu disais. Et alors, souvent, ces personnages sont situés justement dans des professions masculines. C'est souvent des femmes policières ou avocates, ou voilà, donc quelque part on nous raconte aussi une histoire de comment une femme peut faire une carrière dans ces milieux-là et doit aussi prendre des codes dominants de ces milieux-là, et ça fonctionne un peu comme une justification à leur dimension chiante, soit donc par cette posture professionnelle particulière dans un milieu masculin, soit aussi pour des raisons de drame, de gros problèmes personnels qui viendraient expliquer cette attitude. Par exemple, dans cette série How to Get Away with Murder, avec cette avocate qui a beaucoup de pouvoir et qui est très dure comme ça, très froide dans sa manière de fonctionner, ben elle, on apprend petit à petit qu'elle avait vécu des grands drames personnels. Oui. Donc ça devient, et voilà, Roxane Gay, elle parle de cette pathologisation de l'antipathie où on va toujours chercher pas toujours, c'est complètement excessif, mais il y a souvent une explication de dysfonction émotionnelle ou voilà, qui viendrait expliquer cette attitude. Ouais, mais ça justement, il y a une série qui est très parlante sur ça, c'est la série Brune ou The Bridge en anglais, qui à la base c'est une série suédo-danoise avec un meurtre qui se passe sur un pont qui relie les deux pays, et vraiment pile au milieu du pont, donc des policiers et des enquêteurs et enquêtrices des deux pays doivent collaborer Et puis, cette même série a été après refaite aux États-Unis avec un enquêteur du côté mexicain et puis une enquêtrice du côté texan. Et justement, dans les deux séries, celle suédoise, danoise et celle le remake américain, l'enquêtrice est je crois qu'elle est atteinte d'Asperger. Et en fait, donc, c'est une très bonne enquêtrice, mais elle est complètement incapable socialement. Bon, je dirais que c'est au-delà de ce truc de pathologiser, tu vois, une femme qui travaille dans le milieu. Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment dans le sens où son rôle, il est aussi bâti sur le fait qu'elle a une pathologie, mais quelque part il y a des choses qu'elle fait qui sont imputées à sa maladie, enfin à son diagnostic, qui en fait si elle le ferait en tant qu'homme serait normal. Ouais, c'est ça. Et par exemple, bah, une chose qu'elle fait, c'est que elle a pas de relation stable, et quand elle a envie de sexe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans un bar, elle drague un mec, elle le ramène chez elle, et puis une fois qu'ils ont couché ensemble, elle lui demande plus ou moins de partir assez rapidement de chez elle, ou tu vois, il se réveille le matin, puis elle est complètement détachée. Et puis en fait, ça, je trouve qu'on voit, on peut voir assez souvent, en fait, dans les séries, dans les films, des hommes qui ont ce type de comportement sexuel, et pour une femme, ce serait complètement bizarre. Ce serait, en fait, maladif, ça serait syndrome de quelque chose. Un symptôme. Symptôme. Mais c'est vrai que moi j'attends de voir justement une figure d'un personnage féminin qui irait bien, qui aurait pas de problème d'alcool, qui aurait pas vécu de drame personnel, et puis qui soit qui soit hors des sentiers de la séduction. Ça j'ai pas encore, c'est pas encore tombé sous mes mirettes. Mais pour revenir aussi à finalement ce risque en tant que femme d'être estampillée chiante, je pense que c'est aussi la crainte, en fait, une crainte de nombreuses féministes et de nombreux mouvements féministes d'être perçues comme chiante. Et aujourd'hui, en tout cas dans les médias mainstream, mais aussi en littérature, en cinéma, beaucoup de contenus féministes sont servis avec humour et dans un packaging comme ça, glacé. Mais aussi parce qu'on sait que c'est le seul moyen accepté de faire passer le message, enfin un message féministe. Et on peut penser par exemple à Liz Plank, qui a beaucoup documenté la course à la présidence. Donc, comment on la définirait, une journaliste chroniqueuse Ouais, culturelle, politique. Et puis aujourd'hui, elle parle de différents sujets d'actualité politique aux États-Unis. Elle travaille beaucoup sur les réseaux sociaux avec des petits films. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui se revendique féministe déjà. Revendique féministe, mais c'est vraiment, il y a vraiment un travail énorme fait. Sur le fait de passer pour agréable. Enfin, c'est très évident. Et il y a d'autres exemples comme ça, par exemple comme Francesca Fiorentini, qui est aussi une Américaine. Et vraiment, je pense que les féministes, dans leur rapport à leur environnement et dans leur lutte, apprennent à ne pas, entre guillemets, abuser, à ne pas, entre guillemets, aller trop loin. On apprend comme ça à adapter nos propos selon le public, notamment parce qu'on risque d'être perçu comme chiante. C'est vraiment un nuage, c'est un nuage noir qui plane, comme rabâcheuse, tu vois. Déjà, il y a ce cliché que les féministes n'ont pas d'humour, donc de base, voilà, elles sont chiantes. Elles sont occupées à des causes futiles, elles sont chiantes avec leurs histoires de meufs. Enfin, et voilà, je pense qu'ici, il y a aussi cette question de... Si on repense aussi au film, il y a cette question de... Il y a une notion de marge, de... Finalement, on retombe dans ce truc féminin d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute des autres. Et ce qu'on entreprend, on le fait... Enfin, disons que la manière dont on va faire passer le message, dont on va lutter, parfois, on va comme ça l'adapter par rapport à la sensibilité des autres et non par rapport à ses propres objectifs. Donc voilà, moi je trouve que j'ai aussi vécu ça des fois. Je parlais de ça dans l'interview qu'on avait fait chez Libre Radio, où j'ai vécu ça aussi à l'université. Il y a comme ça un danger de parce que le féminisme n'est pas encore vraiment, où tu vois, les études genre ne sont pas des études comme ça complètement reconnues comme scientifiques, tu vois, comme académiques, complètement ancrées encore. Et ben bah, on y va à tatillons, tu vois, avec le public académique, alors que non, tu vois, c'est un sujet, c'est un domaine académique reconnu, tu vois, il y a des masters en études genre. Et pourquoi est-ce que on a peur de passer pour chiante quand on enfin. Mais ça, c'est un parallèle, je trouve, tout à fait à tirer sur un plan individuel, parce que ce dont on parle là, ça a comme lien le fait de se sentir illégitime, d'avoir besoin d'être reconnu par autrui pour se sentir légitime, parce que si tu n'as pas ces failles-là, je veux dire, cette porosité-là, justement, tu vas être beaucoup plus détaché du regard qu'on va porter sur toi, de la réaction que va susciter tes propos. Tu vois, tu as un ancrage, bam, de type d'assurance qui est culturellement relégué au masculin. Mmh. Et cette insécurité, elle fait justement, on anticipe, on s'arrête avant d'avoir l'impression d'être chiante. Ouais, c'est un même diamant avec toutes ces facettes-là, quoi. Mais c'est ça, et comme tu dis, c'est d'être toujours dans ce truc de sensibilité, de regarder comment ça joue pour l'autre. Bah ça décrédibilise aussi ton sujet, quoi. Mais donc ma conclusion irait dans le sens de faisons des films. Non, je sais pas si j'ai la force. Moi je préfère continuer à faire des podcasts, mais non mais ça irait dans le sens de la figure chiante, en fait, comme une posture militante. Comme voilà, c'est une figure féminine plus complexe que ce que propose actuellement la culture mainstream et les médias. Et donc, et voilà, de retenir que la chiante n'est pas à condamner. Mais justement, je pense que la chiante peut prêter à réfléchir, et aussi ne pas avoir peur de passer pour chiante, parce que c'est aussi se permettre... Enfin, de refuser cette peur, c'est aussi se permettre d'être plus focalisé sur son sujet, sur ce que l'on a à dire, plutôt que sur le public, si ce dernier va apprécier ou non notre propos et notre manière de le formuler. Est-ce que tu te rappelles quand on avait été sollicité par le journal Le Temps pour collaborer à cette édition spéciale du 8 mars il y a 2 ans, et puis il y avait toute cette séance photo? Oui. Tu te rappelles, on arrivait dans les locaux du Ils ont offert tout un apéro, il y avait une journée événementielle comme ça, et en arrivant, on devait poser devant l'appareil. Oui. Et avant d'entrer, on était plusieurs féministes. On sourit pas, quoi, comment. Et comme c'était toute une démarche consciente de voilà, comment je vais poser devant l'appareil, donc devant le regard. Ouais. Et finalement, je sais plus comment c'était sorti, mais ouais. Moi, j'ai un petit sourire malicieux. Ah. T'as trouvé un petit compromis. Mais voilà, pour dire qu'il y a plein d'endroits où on peut réfléchir à ça. Yes. On tient aussi à remercier vivement la Fondation Émilie Gour qui soutient financièrement le podcast Crépidule. Et vous aussi, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez soutenir ce podcast féministe de grande qualité en allant sur notre site crépidule@crépidule.com et puis en cliquant sur l'onglet soutenir ouais. Pour plus d'informations. Parfait. Bon, joyeux petit dimanche touristique celui-là. Yay. Et à dans 3 semaines. Salut Maline. Tchuss. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule@crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.